Conte de fées en français. La boîte à étincelles. Il y a longtemps, vivait un soldat. C'était un homme jeune et charmant. Un jour, il rentra chez lui après une guerre, reconnaissant d'être en vie. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il continua dans sa foulée, avec l'épée à ses côtés. Puis, tout à coup, sur la route, il vit une sorcière terrifiante. Bonsoir, soldat! Quelle belle épée et quel gros sac à dos! Bonsoir à vous. C'est très gentil de votre part, vieille sorcière. La lèvre de la sorcière trembla et le soldat frissonna, très mal à l'aise devant sa laideur. Quel soldat vous faites, dites-moi, avec votre sac et votre épée? Certains pourraient même vous confondre avec un seigneur. Dites-moi, si vous souhaitez avoir beaucoup d'argent, autant que vous en rêvez, dites la vérité. Oui, mais comment? La sorcière le flatta et il en fut charmé. Il ne réalisa pas qu'il aurait dû être à l'armée. Elle montra un arbre au bord des bois et lui dit de regarder. Voyez-vous ce grand arbre là-bas? À l'intérieur, il est creux et vous pourrez vous glisser dans le trou en haut jusqu'en bas. Ensuite, une fois en bas... L'arbre? Mais qu'est-ce que je vais aller faire sous l'arbre? Oui, l'arbre! Une fois à l'intérieur, je lirai une corde et je vous tirerai à l'extérieur. Une fois que vous aurez poussé un cri, car à l'intérieur de l'arbre, il y a de l'or. Le soldat douta et il fronça les sourcils. Il y a de l'or dans l'arbre? Mais comment? La sorcière commença à tout expliquer. Une fois à l'intérieur, vous verrez une salle. Elle est allumée avec des lanternes et donc c'est assez brillant. Vous verrez trois portes de gauche à droite. À l'intérieur des serrures, il y aura des clés. Et dans la première salle, savez-vous ce que vous verrez? Un grand coffre au milieu de la pièce. Mais prenez garde au chien qui protège cette porte, d'accord? Un chien, vous dites? Le soldat fut maintenant curieux. Le chien a les yeux très grands. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une surprise. La sorcière sortit un tablier bleu. Cela vous protégera, dit-elle avec un sourire. Placez le chien au-dessus. Et il sera occupé un moment. La sorcière continua à expliquer son stratagème. Lui dit qu'il y avait des pièces de cuivre et d'argent partout. Mais méfiez-vous du chien qui sera à vos talons, car ses yeux sont gros comme des roues de moulin. Elle continua à lui dire que le tablier l'aiderait et qu'ainsi, il pourrait prendre toutes les pièces. Le soldat fut content et pensa. Ce n'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Mais que dois-je vous donner? Car vous voudrez quelque chose pour cela, j'imagine. Tout ce que je désire, c'est une boîte à étincelles. Ma grand-mère l'a oubliée la dernière fois qu'elle était là-bas. Alors, attachez la corde autour de ma taille. Alors, la sorcière noua une corde autour de sa taille et il monta dans l'arbre. Il glissa le long de l'arbre et arriva dans un hall où il y avait des lanternes de chaque côté des murs. Le soldat marcha dans les couloirs. Il marcha et vit le chien debout sur le coffre. Tu es un bon chien, n'est-ce pas? Le soldat souleva le chien et le plaça pour faire la sieste. Il s'endormit sur le tablier et ne faisait aucun bruit. C'était facile. Le soldat regarda autour de lui. Quand il eut récupéré les pièces dans son sac, il alla dans l'autre pièce pour faire plaisir à la vieille sorcière. Comme elle l'avait dit, il y avait un chien avec de grands yeux. Ses yeux étaient si grands que le soldat fut surpris. Il prit le chien et le posa sur le tablier. Mais lorsqu'il ouvrit le coffre, il en voulut plus. Le soldat vit que l'argent était dans le coffre. Et il jeta le cuivre qu'il avait ramassé avant. L'argent est bien meilleur que le cuivre. Le soldat vida son sac rempli de cuivre pour le remplir avec l'argent qu'il venait de découvrir. Waouh ! En effet, le chien fut beaucoup plus gros que prévu, avec des yeux si gros qu'il était sidéré. Il prit le chien et le posa sur le tablier, puis ouvrit le coffre et pensa d'abord qu'il s'était trompé. De l'or ? De l'or ! Il y avait tellement d'or dans le coffre. Alors, il vida l'argent et remplit son sac avec des pièces d'or. Sortez-moi de là ! La sorcière le hissa alors qu'il tenait la boîte à étincelles. Quand il atteint la surface, elle essaya de la lui prendre. Qu'allez-vous faire de cette vieille boîte, vieille sorcière ? Ça ne vous regarde pas, monsieur. Dites-moi, ou alors ? Ah ! Non ! Vous m'avez trahi. Adieu, vieille sorcière. Le soldat rentra dans la ville ce jour-là. Il prit les meilleures chambres, la meilleure nourriture, tout comme il le voulait. Le soldat devint un bon gentleman. Les gens lui parlèrent de toutes les choses importantes de la ville, sur leur roi et quelle charmante princesse était sa fille. Puis-je aller la voir ? Pourquoi ? Non, vous ne pouvez pas. Le roi souhaite que personne ne la voie. Elle habite dans un grand château en cuivre. Pourquoi ? Le roi l'a empêché d'épouser un soldat. Il n'aimait absolument pas cette idée. Je ne comprends vraiment pas du tout pourquoi. Le soldat était riche à cause de sa fortune. Mais il n'avait que son argent à dépenser. Il n'en gagnait pas à côté. Et à cause de ses irresponsables dépenses, il n'eut plus que quelques petites pièces. Il dut déménager dans un grenier en étain. Il s'assit dans sa chambre dans le petit grenier et cousut ses bottes. La pièce était très petite et pourtant il était trop pauvre pour y allumer ne serait-ce qu'une bougie. C'est vraiment beaucoup trop pour moi à gérer. Mais ensuite, il se souvint de la petite boîte en étain. Il se souvint de la souche de bois si minuscule et mince. Ça peut faire de la lumière et je survivrai à la nuit. Alors, il ouvrit la boîte et essaya d'allumer une flamme. Et c'est alors qu'un chien apparut. Le chien était assis et le regardait avec des yeux pleins d'attention. Qu'est-ce que mon maître commande ? Demanda le chien au soldat. Je te demande pardon ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis à votre disposition. Vous pouvez demander n'importe quoi. Quelque chose que je désire ? N'importe quoi ? Le soldat fut impressionné. Il réfléchit, puis dit avec joie : Va, chien, et gagne-moi de l'argent. Le chien disparut, et quand il revint, il avait dans sa mâchoire un sac de pièces. Alors le soldat retourna à son ancienne vie, avec des diamants et de l'or. Mais il était seul. Alors il voulut une femme. Je sais que c'est le milieu de la nuit, mais je souhaite voir la princesse. Je veux la voir. Et avant que le soldat puisse même cligner des yeux, le chien fut de retour avec la princesse endormie par terre. Et le soldat fut très heureux. Le lendemain, la princesse se réveilla et dit qu'elle avait fait un rêve. Quel genre de rêve? Il y avait un chien et un soldat aussi, il me semble. Et pendant que je dormais, il m'a embrassée. C'est certainement un rêve et rien de plus. Le roi préoccupé fronça les sourcils. Puis il demanda à une servante de surveiller l'enfant, afin de voir si c'était un rêve ou un stratagème. Le soldat désirait la voir une fois de plus. Alors il dit à son chien de l'apporter à nouveau. Le chien attrapa la princesse en un clin d'œil. Mais il ignorait que la femme de ménage était une espionne. Elle mit ses bottes et le poursuivit jusqu'à une maison dans la ville. Maintenant que je sais que ce n'est pas juste un rêve, je vais faire ce que je peux pour la protéger de leur manigance. Je vais dessiner une croix à la crèche. La servante fit une croix sur la porte. C'était ça son plan pour la reconnaître. Et quand le chien vit la manœuvre de la servante rusée, il dessina lui aussi une croix sur chaque maison. Tôt le lendemain matin, le roi et la reine, la vieille dame d'honneur, ainsi que tous les officiers, s'en allèrent pour retrouver la princesse. Est-ce que c'est là? Est-ce que ça serait dans cette auberge? Non, c'est là, mon cher mari. Il y avait des croix sur chaque maison, si bien que tous les soldats et les gardes étaient perdus. Ils commencèrent à crier. Mais la reine, qui était intelligente, avait cousu un sac de grains sur le dos de sa fille. Le grain ruisselant allait révéler où elle était détenue. Elle est là-bas. La reine montra les traces de grains sur le sol et les gardes entrèrent. Là, ils arrêtèrent un homme qui essayait de se cacher. Pour ses crimes, il fut condamné à mort. Et avant qu'il fût emmené, il respira un dernier souffle. C'est la coutume de laisser un pécheur avoir un dernier souhait. J'aimerais avoir un feu de joie. Le roi ne put pas le lui refuser. Et donc, le soldat prit son briquet et l'alluma. Aussitôt, le chien apparut. Et le soldat sourit. Il le savait. Je savais que tu viendrais. C'est vrai, on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Et le chien aboya, et tous s'enfuirent. Le roi et la reine essayèrent de courir, mais le chien était sur leur chemin. Tu es un magicien démoniaque. Mais quel genre de chien est-ce que c'est? Votre Majesté, écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas une personne perverse. Je suis simplement amoureux de votre fille. J'avoue que j'ai utilisé la boîte à étincelles pour atteindre la princesse, mais je ne lui veux pas de mal. Une boîte à étincelles? Oui, Votre Majesté. Une vieille sorcière l'a souhaitée, mais je pensais qu'elle pourrait l'utiliser pour quelque chose de mauvais. Alors je l'ai vaincue et j'ai gardé la boîte pour moi. Est-ce que vous promettez de rendre ma fille heureuse sans l'aide de votre boîte à étincelles? Le roi et la reine virent le véritable amour dans ses yeux. La princesse sourit, car elle pensait qu'il était tout à fait l'homme qu'elle espérait. Elle fut impressionnée par son courage. Est-ce que vous promettez de rendre ma fille heureuse sans l'aide de votre boîte à étincelles? Je serai sa boîte à étincelles. Je vais travailler dur et répondre à tous ses souhaits. Je vais détruire cette boîte à étincelles tout de suite. Et ainsi, le soldat devint le souverain et vécut une bonne vie avec sa femme et les chiens magiques.